Yo! Salut, j'ai le Mojo, j'ai le Bénin, j'ai Jazira, j'ai Steph, tous ensemble pour faire la fête. Yo! J'ai le Mojo, j'ai le Bénin, j'ai le Steph, j'ai Jazira, ici pour faire la fête. C'est la base. Est-ce que je sors tout en rap conscient? Dédicace. je danse, je chante. Je suis là, je balance, je cadence. Je suis là, je danse, je chante. Je suis là, je danse, je chante. Je cadence, je balance. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Thank you.

Y'a pas de mensonge, y'a aïe. Allo, allo, allo. Rien à dire. Termine. Certains submergés par le monde. Super. Alors, à la même heure, sans sortir, sans respirer les couleurs, les fleurs, sans suivre. Censurer la pluie du passé, renaître la balafre mondaine. Mm.